Il a sa petite vie tranquille, qu'il savoure chaque seconde. Son bonheur est dans la nature, les arbres et les animaux. Il fait lui-même ses confitures et ne jure que par le bio. Forcément, il aime sa terre et elle le lui rend bien. Toutes les graines de fleurs qu'il sème sont belles dans son jardin. Les paniers de fruits qu'il récolte sont le fruit de son amour. Il les partage avec celle qu'il aime, celle qu'il aime depuis toujours. Partage avec celle qu'il aime depuis toujours.